visage façonné par le temps, le corps diminué par les années, le cœur aigri par la lassitude et les mains ouvertes vers l'inconnu. Les mamots usés par le temps, les couleurs ternies par les années, les joies envolées par l'habitude et les mains ouvertes vers l'inconnu. Comme une requête, mon cœur nourrit l'espoir, comme une attente pour se sortir du noir, en forme de prière pour avidement recevoir. Les cités menacées d'effroyables aurores, des campagnes secouées par des bruits inutiles, des peuples en voie d'extinction, et ses mains ouvertes vers l'inconnu. Des enfants qui lèvent l'arme avant l'heure, une femme brisée par une relation futile, un amour en cours d'extinction, et les mains ouvertes vers l'inconnu. Comme une requête encore nourrie d'espoir, comme une attente pour se sortir du noir, en forme de prière pour avidement recevoir. Un visage touché par l'émotion, le corps redressé pour mieux avancer, le cœur attendri par ce sourire et les mains ouvertes vers l'inconnu. Des mots chantés avec conviction, des teintes ravivées par de douces pensées, et cette joie après le pire, et les mains ouvertes vers l'inconnu. Comme un geste pour éteindre tout désespoir, comme une offre à aider à mieux voir, tourner vers celui seul en qui croit. En découvrant le bonheur et de l'amour partout faisant fureur, avec ses mains ouvertes vers l'inconnu. Comme un geste pour atteindre tous les espoirs, comme une offre aidée à mieux voir, tourner vers celui seul en